un destin émergé, une loge pour héberger des êtres humains qui se sont soi-disant insurgés. Leur futur se fait ronger, leur passé les ont plongés dans l'obscurité, ne leur laissant plus que des congés. Sont-ils victimes d'un rejet? La justice ne connaît le regret, tout se passe au dernier degré dans des simples décrets. Alors à qui ma musique devrait-elle être léguée? La justice pour égaler ou les médias pour étaler? Les enfermés se tourmentent car ils sont effarés, effacés de la société à cause des mandats d'arrêt. Allons-nous laisser toutes ces flammes se consumer dans cette fumée assassine pour les faire assumer? Je pense qu'une nouvelle flamme devrait être allumée pour que tous ces prisonniers arrêtent de se tourmenter. Un amour hanté, tout leur passé se font ganter, des méchancetés, des actions oubliant leur santé. En prison la vie est dure et tout le monde le sait, cela est dépassé, pourquoi le rappeler, ce n'est qu'un fait. La société a seulement créé des emplois sur ses queues, mais les avocats s'entapent de les protéger, ce ne sont que des camés. Leurs pensées sont devenues des fardeaux. Chaque être humain est-il vraiment égaux? Leurs cœurs sont coincés entre des barreaux. Est-ce vraiment le prix pour des actes illégaux? Leurs passés sont devenus des fardeaux. Chaque être humain est-il vraiment égaux? Leurs cœurs sont coincés entre des barreaux. Est-ce vraiment le prix pour des actes illégaux? Vous avez le droit de garder le silence. C'est comme ça qu'on prévient leur vigilance. On a tous de la chance, c'est vrai, de vivre en France, mais pas vraiment ces gens, purger le martyr et la transe. Leurs idées se libèrent par la fenêtre de leur compartiment. Réfléchir tout simplement, c'est ce qu'ils font la plupart du temps. Leur peine dure longtemps, les journées passent lentement. Vivre dans l'accablement, ce n'est pas vivre humblement. Tu rentres et tu perds tout, ta famille et tous tes proches. Tu peux oublier que le soleil brille, ces quatre murs qui te sont proches. Tu es parti à droite, mais ta vie est restée à gauche. Tu enfreins les lois et maintenant, ta tête se hoche. Pourquoi es-tu parti du mauvais côté? Du mauvais côté. Est-ce que personne ne te l'a jamais noté? Jamais noté. N'attends pas qu'il soit trop tard pour te laminer. C'est avant qu'il fallait penser qu'on ne peut pas tout animer. Leurs pensées sont devenues des fardeaux. Chaque être humain est-il vraiment égaux? Leurs cœurs sont coincés entre des barreaux. Est-ce vraiment le prix pour des actes illégaux? Leurs pensées sont devenues des fardeaux. Chaque être humain est-il vraiment égaux? Leurs cœurs sont coincés entre des barreaux. Est-ce vraiment le prix pour des actes illégaux? Les tentations sont de plus en plus grandes, les pensées dérivent, on ne peut pas comprendre que c'est dans la légende. À travers la voûte, on aperçoit une déroute. Tu changes de voie et c'est l'incarcération qui te dévoue. Tu es poussé à bout jusqu'à ce que tu n'en puisses plus, que tu n'y sévises plus, il ne faut plus que tu discutes. Il faut respecter les lois des instituts, et la justice respectera ta foi selon tes attitudes. Chacun ses habitudes, on n'a pas les mêmes gratitudes, les mêmes inquiétudes, on n'a pas tous fait d'études. Continue ton chemin sans avoir besoin d'être imagé, si tu ne veux pas que ton destin soit immergé. Tu connais la suite, c'est la prison et non la fuite. Pourquoi gâcher ta vie si tu dis qu'elle défile trop vite? Ne te pose pas de questions sur notre curieux univers. La vie est simple mais parfois c'est de la merde. S'il le faut, je mettrai ces paroles dans une enveloppe, mais à qui l'envoyer? Le monde entier est dans la faute. Je n'ai plus rien à dire mais je peux tout abréger. C'était simplement un destin émergé. Mon Dieu, pourquoi ne puis-je vivre comme n'importe quel être humain? Un destin émergé. Pourquoi mon destin est... C'était simplement un destin émergé. Leurs pensées sont devenues des fardeaux. Chaque être humain est-il vraiment égaux? Leurs cœurs sont coincés entre des barreaux. Est-ce vraiment le prix pour des actes illégaux? Un destin émergé. C'était simplement un destin émergé.